kanisa ya Mungu mzima katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Je salue l'église de Dieu vivant au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Jina la Mungu wetu lipewe sifa. Que le nom de notre Dieu soit loué. Tuliweza kuongea na banduku bakwachana. Je parlais à beaucoup de frères. Bana tuma salimie katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Ils m'ont dit de vous saluer au nom du Seigneur Jésus Christ. Tutashimama tupate kuheshimia sauti ya Mungu. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Baba, mara ingine tunakukaribia katika jina la Yesu Kristo. Père, encore une fois nous nous approchons de toi. Neema yako ikuwe pamoja nasi mangaribi ya siku ya leo. Que ta grâce soit avec nous ce soir. Utufundishe mapenzi yako. Enseigne-nous ta volonté. Là où nous avons branché, en parlant, en regardant, en pensant, Seigneur, nous demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Kwanze pamoja nasi. Commence avec nous. Usemezane nasi. Parle-nous. Vile ulizungumuza na bale banafunzi bawili munja Emmaus. Comme tu avais parlé à ces deux disciples de Emmaus. Jiuliza mmoja na mwingine. Ils se posaient les questions l'un à l'autre. Mioyo yetu ilikuwa na waka ndani wakati Bwana alikuwa anasema nasi. Que nos cœurs brillaient à nous lorsque le Seigneur nous parlait. Kwanye vile mangaribi ya siku ya leo. Fais-le encore ce soir aujourd'hui. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amina. Tukupaka na kitabu yetu ya Jude. Nous avons toujours notre livre de Jude. Jude verset 3. Jude Sariata. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Wapendwa, paka vile nalitamani kabisa kumiandikia kwa yenye kuelekea wokovu yetu sisi wote pamoja. Je me suis senti obligé de le faire. Na lazimishwa nipate kuifanya. Afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Ili nimisubutishe mupike vita kwa ajili ya imani. Qui a été transmise au saint une fois pour toutes. Ile imani ilipelekwa kwa kubatakatifu mara moja tu. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Et nous avons dit que la vraie foi est ancrée dans la parole du Seigneur. Tulisema ya kwamba imani ya kweli inatiwa nanga ndani ya neno la Mungu. La vraie foi est basée sur ce que Dieu a dit. Imani ya kweli inayengwa yulu ya ile Mungu alisema. Parce que Dieu veille sur sa parole. Kwani Mungu yuko na kesha yulu ya neno lake. Pour l'accomplir. Dieu apate kuitimiza. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Mungu ekalake inje ya neno lake hapana. Dieu lui est dans sa parole. Mungu yeye yuko ndani ya neno lake. C'est lui qui veut que Dieu puisse l'agréer. Ula napenda Mungu apate kumukubali. Qu'il reste dans la volonté du Seigneur. Abakie ndani ya mapenzi ya Bwana. Et nous avons vu qu'en toute nation. Jana tuliona kwamba mataifa yote. En toute langue. Maruga yote. Toute tribu. Makabila yote. C'est lui qui fait la volonté du Seigneur. Ula nafanya mapenzi ya Bwana. Lui est agréable. Yule ndio anampendeza Mungu. Dieu lui ne fait pas exception des personnes. Mungu yeye asifanyake ubaguzi ya watu. Les problèmes qui est là. Mambo yenye kuwako. Nous devons entrer dans son programme. Tunapashi sisi tuingie mumapu yake. Nous devons entrer dans sa volonté. Tunapashi kuingia mumapenzi yake. Dans son plan. Mumapu yake. Nous devons tout sacrifier. Tunapashi kuacha byote. Et embrasser qui est juste. Na kumbatia byenye kwa bya waki. Regardez les mages. Tazameni bajusi. Ils étaient très loin. Barko mbali sana. Comme ils étudiaient les étoiles. Kavile walikuwa najifunza manyota. Et un jour, na siku moja, ils ont vu une étoile qui s'est déplacée. Bariona nyota moja ilikuwa natembea. Ils se communiquaient l'un et l'autre. Bakambiana mmoja kwa mwingine. Et quand ils ont vu cette étoile, wakati baliona ile nyota, ils ont compris que cette étoile n'est pas une simple étoile. Barielewa sema hii haina nyota ya kawaida. C'était une grande étoile qui brillait. Ilikuwa ni nyota mnene ilikuwa na angala. Et cette étoile, na ile nyota, a une très grande signification. Ilikuwa na maana mnene. Cette étoile annonce la naissance d'un grand roi. Inatangaza kuzaliwa kwa mfalme mkubwa. Ils ont tout abandonné. Waliacha vitu vyote. Ils ont tout sacrifié. Walitoa vitu vyote. Ils ont commencé à observer cette étoile. Wakaanza kufuata ile nyota. Et partout cette étoile se dirigeait. Kazi yote ile nyota ilikuwa naenda. Les mages étaient censés de suivre l'étoile. Wajusi walistahili wafuate ile. Ils savaient que kwani walijua kwamba ce n'est pas seulement la naissance des rois des Juifs. Hata tukuzaliwa kwa mfalme wa Yuda. Mais c'est la naissance du roi du monde entier. Na lakini ni kuzaliwa kwa mfalme wa Yuda. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez, il dit nous sommes venus pour l'adorer. Les mages ne savaient pas l'endroit où était Christ. Mais pour voir Christ, il fallait suivre le rythme de l'étoile. Il passe par foi, c'est nyota. Nous aussi ce soir. Nasi si mangaribi yaleo. En étudiant la parole. Mukujifunza neno la Mungu. Qui est la lumière du soir. Yenye kwa nuru ya mangaribi. Suivons la parole. Tufuate paka neno. Partout où la parole va nous amener. Fazi yote neno etatupeleka. Obéissons à cela. Tuti kuile. Suivons la conduite de l'Esprit. Et un jour, ça nous amènera au bon port. Et hier nous avons vu que si nous observons la parole de Dieu, nous serons un peuple saint. Parce que notre sainteté ne vient pas de nous-mêmes. Non, notre sainteté vient en observant la parole du Seigneur. C'était dans Deutéronome chapitre 28, verset 9. Nous reprenons pour bien évoluer. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il s'est l'agiré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Et nous avons vu qu'il ne faut pas porter le nom de l'Éternel en vain. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est la vie de Christ. Si quelqu'un ne vit pas la vie de Christ, il est de s'appeler qu'il est chrétien. Parce que le mot chrétien, c'est à Antioche où on a appelé pour la première fois les disciples du Seigneur. Parce qu'ils vivaient selon la parole. Nous aussi, nous devons vivre selon la parole du Seigneur. Nous devons vivre selon ses traces. Il est venu sur cette terre. Il nous a laissé l'exemple. Sa parole. Nous devons vivre selon la parole du Seigneur. D'ailleurs, après tout, il y a des couronnes que le Seigneur réserve pour tous ceux qui obéiront à la parole. Et il n'y a pas de couronne sans victoire. Tout comme il n'y a pas de victoire sans combat. Nous devons combattre à chaque pouce de notre vie. Là où nous échouons, nous demandons pardon. Là où ça ne va pas, nous confions à l'Éternel. Sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire rater le ciel. Mais avec la parole, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. De Corinthiens chapitre 4. De Corinthiens chapitre 4, wa Korinto wa pili sura yake ya 4, Commençons à son verset 7. Troisième mstari ya saba. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Tunachugua hii akiba mu vyombo vya budongo. Ces trésors en question, c'est la parole. Hii akiba ni neno la Mungu. La parole, c'est un trésor. Neno la Mungu ni akiba hazina. La parole de Dieu, c'est la richesse. Neno la Mungu ni utajiri, ni mali. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Uwezo mkubwa ipate kumwelekea Mungu hapana sisi. Lisez maintenant au verset 8. Sura munani. Nous sommes pressés de toute manière. Tunasongwa kumangambo yote. Mais non réduits à l'extrémité. Lakini hatuyafikishwa mwisho hapana. Dans la détresse. Mumateso. Mais non pas dans le désespoir. Lakini haina mkukosa tumaini. Persécuté. Benye kuteseka. Mais non abandonné. Lakini abana benye kuachiliwa. Abattu. Benye kulekea. Mais non perdu. Lakini abana benye kupotea. Malgré la souffrance. Ijapokuwa mateso. Mon frère, ma sœur, ndugu yangu na dada yangu, malgré la maladie, ijapokuwa magonjwa, mais le Seigneur ne nous a pas laissé seuls. Lakini Bwana sikutuache peke yetu hapana. Avec lui, nous persévérons toujours. Pamoja naye tutaendelea na kudumu. Ne regarde pas en arrière. Usiangalie nyuma. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Usiangalie wala kushoto wala kuume. Mais regardez à celui qui vous a appelé. Lakini mwangalie kwa yule alimiita. Nous avons un Dieu puissant et fort. Tukuna Mungu wa uwezo na wa nguvu. Celui qui combattra pour nous. Yeye ndiye atatukombania. Le Dieu que nous vous prêchons. Mungu letu na mihubiri. Il est le Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins. Il connaît toutes choses. Il connaît chacun par son nom. Il connaît même le nombre de notre chevelure. Mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui peut vous arriver si le Seigneur n'a pas encore signé. Un bon nombre de démons ne peut pas te faire quelque chose. Car Dieu est avec toi. Et l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Nous les croyons, c'est la vérité. C'est oui et amen. Psaume 147. Chapitre 147. Zaburi sura 147. Commençons au verset 5. Troisième mstari ya tano. Notre Seigneur est grand. Bwana wetu yuko mkubwa. Puissant par sa force. Wa uwezo kupitia nguvu yake. Son intelligence n'a point de limite. Akili yake haina na mipaka. Il soutient les malheureux. Anasaidia wanyonge. Mais il abaisse les méchants jusqu'à la terre. Anashusha watu babaya kufika na chini. Frère bien-aimé. Nduku mpendwa. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Kutokuamini hakuwezi kumsimamisha Mungu. Après tout, c'est nous qui avons besoin du salut. Lakini ni sisi ndio tunahitaji wokovu. Confiez-nous seulement à l'Éternel. Tumutumainie tu wa milele. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort. Tumuna Mungu wa uwezo na Mungu wa nguvu. Il est capable de tout. Yeye anaweza yote. Notre Dieu connaît toutes choses. Mungu wetu anajua vitu vyote. Notre Dieu voit partout. Mungu wetu anaona fazi yote. Alléluia. Amen. Notre Dieu connaît écrire. Mungu wetu anajua kuandika. Notre Dieu connaît lire. Mungu wetu anajua kusoma. Notre Dieu connaît toutes choses. Mungu wetu anajua vitu vyote. Restez seulement dans sa volonté. Ubakie tu mapenzi yake. Tout ce que nous voyons, le yote tu kunaona, les visibles et l'invisible, ya kuonekana na vya sivyoonekana, c'est notre Dieu qui les a créés. Ni Mungu wetu ndiye aliviumba. Et ce Dieu-là, na ule Mungu ule, c'est celui qui est notre Père ce soir. Jo mwenye kwa baba yetu mangaribi ya leo. Amen. Amen. Église, n'est-ce pas merveilleux? Kanisa, eti aina ya damani. Shishibitu vya bien sana. N'est-ce pas de bonnes choses? Psaume chapitre 145. Zaburi sura Moja makumi ine na tano. Psaume chapitre 145. Zaburi sura mia moja makumi ine na tano. Commençons à son verset 18. Tuanze mstari ya kumi na mnane. Commençons au verset 17. Tuanze mstari ya kumi na saba. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Wa milele ko wa uwaki mumanjia yake yote. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Na ni wa rehema mu matendo yake yote. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Wa milele ko karibu na wale wote beko na mwita. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Na wale wote banamwita na moyo wa uwaki. C'est-à-dire tous ceux qui l'invoquent avec foi. Manake wale wote banamwita na imani. Ceux qui l'invoquent avec sincérité, le Seigneur est tout près d'eux. Amen. Amen. Nous ne sommes pas seuls. A tout na peke yetu. Là où tu es mon frère. Pale uko nduku yangu. Là où tu es ma sœur. Pale uko dada yangu. Tu n'es pas seul. Auna peke yako. Le Seigneur nous a donné des promesses. Bwana alitulaka manako. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Alisema sita miacha kamwe. Je ne vous laisserai pas orphelin. Niwezi kamwe kumiacha. Je serai avec vous. Na kwa pamoja na mwe. Jusqu'à la fin du monde. Ufika na mwisho ya dunia. Le problème qui est là. Mambo iko hako. Restez seulement dans la parole. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il attend leur cri. Et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Mais il détruit les méchants. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueillés. Il fait grâce aux humbles. Il est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous devons avoir la sincérité du cœur. Ce que vous proclamez à la bouche, c'est ce qui est dans ton cœur. Et non pas dans ton cœur, tu penses autre chose. À la bouche, tu proclames autre chose. Avec la bouche, tu bénis. Mais avec ton cœur, tu maudis. Ça, ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Mungu akubariki frère. Avec ta bouche, tu bénis. Mais au cœur, vous maudissez. Ça, ce n'est pas les vraies attitudes des vrais enfants de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu saint. Nous devons aussi marcher dans la sainteté et dans la justice. Et à ce moment-là, le Seigneur va nous honorer. Parce qu'il honore celui qui l'honore. Lisons un peu dans Osée chapitre 14. Osée chapitre 14. La Bible nous dit ceci dans Osée. Biblia natuambia hivi Osée. Osée chapitre 14. Osée sura 14. Lisons son verset 9. Somme mustari yake ya 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Mwenye kwa hekima asopoke kuibi vitu. Que celui qui est intelligent les comprenne. Mwenye kwa na akili apate kubielewa. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais les rebelles y tomberont. Si vous voulez que le Seigneur vous garde dans ses voies, marchez dans la justice. Si vous voulez que le Seigneur vous garde dans sa volonté, vous aussi obéissez à sa volonté. Na wenye utii kwa mapenzi yake. Parce que dans les voies du Seigneur, ani umanjia Bwana, les rebelles un jour ils tomberont. Batombozi siku moja watanguka mo. Parce que Dieu lui voit partout. Kwani Mungu yeko naona fasi yote. Il peut te cacher devant les hommes. Unazufuchama mbele ya watu. Pas devant Dieu. Lakini hawezi mbele ya Mungu. Parce que devant Dieu, kwani mbele ya Mungu, tout est à nu. Yote biku wazi. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Hakuna cha kufichama mbele ya wamilele. Il peut te cacher devant les hommes. Il fuchama mbele ya bantu. Il peut te cacher devant les frères. Il fuchama mbele ya bantu. Il peut te cacher devant les sœurs. Il fuchama mbele ya bantu. Il peut te cacher devant les hommes de Dieu. Il fuchama mbele ya watu. Mais devant Dieu, lakini mbele ya Mungu, toute créature est à nu. Kiumbe kyote kiko wazi mbele ya Mungu. Parce que c'est notre Dieu. Kwani mbele ya Mungu, même la nuit, hata usiku, c'est comme la lumière. Kwake kusawa nuru. Amen. Amina. Un enfant de Dieu marche dans la sincérité. Mtoto wa Mungu anatembea katika uwaki. Et le Seigneur est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bwana Mungu yuko karibu na wale wote wanamuita na uwaki. Et nous ne sommes pas les enfants du ténèbre. Sisi hatuna watoto ya magiza. Nous sommes les enfants de la lumière. Sisi tuko watoto ya nuru. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Na nuru haiwezi kamwe kuishi pamoja na magiza. Si dans votre cœur. Kama moyo wako. Si dans votre âme, il y a la lumière de l'évangile. Cette lumière il est nuru, a une puissance de chasser les ténèbres. Parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière. Notre salle ici, même si il fait très sombre, essayez seulement d'allumer une petite lumière. Frère, Ndugu, les ténèbres vont fuir. Magiza takimbia. Amen. Amina. Et quand la lumière entre dans votre âme, wakati nuru ikiingia mnafsi yako, cette lumière ile nuru a une puissance iko na uwezo de faire chasser tous les ténèbres en toi. Ya kufukuza magiza yote ndani yako. Écoutez ce que le prophète nous dit. Musikie kile nabii anatuambia hapa. Un message intitulé il prend soin et vous. Ujumbe yenye kuitwa anamihangaikia basi mwenye. C'était message prêché le 21 juillet 1963. Ni ujumbe walihubiri le 21 juillet 1963. Lisons à son paragraphe 78. Nukta yake 78. L'homme de Dieu nous dit ceci. Mtumishi wa Mungu anatuambia hivi. Par exemple, une personne qui dit. Kwa mfano mtu ule kuna sema. Qui je suis croyante. Ya kwamba mimi ni mwaminifu. Je crois. Naamini. Il dit laissez que la lumière de l'évangile la frappe. Anasema mchunge nuru ya injili pate kumpika. Frère. Ndugu. Elle reçoit sur le champ. Ataipokea pale pale. Et manifestera des résultats. Na itaonekanisha matokeo. Certainement. Hakika. Vous ne verrez plus jamais cette personne dans des salles de jeux de billard. Vous ne la verrez pas là dehors avec une cigarette en main. Vous ne la verrez pas en train de boire. Oh non. Vous ne les verrez pas filtré avec d'autres femmes. Non, non, non et non. Peu importe à quel point elle expose leur chair de femmes devant lui, il détournera sa tête et regardera vers les cieux, vers Christ. Ata tosha macho yake na kuangalia kumbingu, si la lumière de l'évangile entre dans votre âme. Kama nuru ya injili ikiingia mnafsi yako. Si la lumière de l'évangile, mon frère, ma sœur, entre dans votre âme. Kama nuru ya injili ikiingia ndani yako nduku wala dada. La lumière a une puissance. Nuru iko na uwezo. De chasser les ténèbres. Ya kufukuza magiza. La cigarette. La boisson elle-même va tomber. Amen. Amina. À cause de la puissance de la lumière. Wajili ya uwezo ya nuru. C'est pourquoi marchons dans la justice du Seigneur. Notre marche, c'est un combat. Safari yetu ni vita. Combat de la foi. Vita ya imani. Ce n'est pas un combat avec un frère. Aina vita kumbanisha nduku hapana. Non. Hapana. Ce n'est pas un combat avec ma sœur. Aina vita kumbanisha dada. Nous devons nous aimer les uns aux autres. Tunapasha kupendana pamoja kwa wengine. Qui va entrer de l'autre côté? Bani ile itaingia ile ngambo. C'est l'amour parfait. Ni paka mapendo kamilifu. Les hypocrites wanafiki ne peuvent pas entrer dans le royaume du Seigneur. Hawawezi kama kuingia mfalme wa Bwana. Mais ceux qui ont l'amour parfait. Ni paka bale entreront. Ephésiens chapitre 6. Nous lisons ceci dans Ephésiens. Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous lisons ceci. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Kwani atupiganishe vita mwili wala damu. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ça notre combat. De combattre tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. C'est se vaincre soi-même. Vaincre les péchés. Vaincre la mondanité. Vaincre tout ce qui n'est pas conforme avec la volonté du Seigneur. Ce n'est pas un combat avec mon frère. Ce n'est pas un combat avec ma sœur. Amen. Amina. C'est mon frère, nous allons hériter avec lui dans le royaume. Ninduku yangu tutahiriti naye mu ufalme. C'est ma sœur à laquelle nous avons hérité avec elle dans le royaume. Ni dada yangu le tutahiriti naye mu ufalme. Et notre puissance na uwezo yetu n'est pas pour combattre la vérité. Aina kujua kukombanisha ukweli. Devant la vérité, mbele ya ukweli, nous sommes faibles. Tuko bazaifu. Nous nous humilions à la vérité. Tuko na dinyenyekeza pour que la vérité nous domine. Nous, on n'a pas de puissance pour combattre la parole. La parole de Dieu nous dit autre chose. Nous nous faisons autre chose. La parole de Dieu nous interdit ceci. Nous nous résistons. Notre puissance n'est pas contre la vérité. Mais devant la vérité, nous nous humilions pour que la vérité nous domine. Alléluia. Amen. Nous devons aimer chaque frère et chaque saint. Notre puissance est dans l'amour. La Bible nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire si tu veux examiner la vie de ton frère. Manake, kama unapenda uchunguza maisha nduku yako. Si tu veux examiner la vie de votre sœur. Unapenda uchunguza maisha dada yako. Examinez toutes choses. Uchunguza vitu vyote. Mais retenez ce qui est bon. Alakini ubambe mpaka byenye kwa vizuri. Si tu veux parler de quelque chose de frère Doudou. Unapenda kusema kwa mambo yule. Parlez seulement ce qui est bon. Useme paka pa vizuri. Ce qui ne voit pas en moi. Yasho kwa vizuri ndani. Prenez ça. Ubibebe. Et mettez de côté. Ubiweke pembeni. Parlez seulement ce qui est correct. Useme paka bya kunyonoka. Parlez seulement ce qui est juste. Useme paka bya nye kwa vizuri. Mais nous, parfois, nous faisons le contraire. Si, mara mingi, si vous voulez parler les choses de ton frère, napendo sema mambo vous cherchez seulement ce qui est mauvais. Si, unatafuta paka bibaya. Non, ça ce n'est pas correct. Ile aina mzuri, aina sawa. Ce n'est pas la parole. Aina neno la Mungu. Nous lisons 1 Thessaloniciens. Tutasoma wa Thessalonika wa kwanza. Chapitre 5. Sura ya 5. La Bible nous dit ceci. Biblia natuambia hivi. 1 Thessaloniciens, Thessalonica wa kwanza, chapitre 5, sura 5, commençons au verset 22. Ranzio mustari ya makumi mbili na mbili. Commençons au verset 21. Ranzio mustari ya makumi mbili na moja. Même au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Mustari ya kumi na tisa, mutizimishe roho. Faut laisser l'esprit du Seigneur agir. Na pashi kuacha roho ya Bwana itende. Ne méprisez pas les prophéties. Musibeule matabiri. Mais examinez toutes choses. Alakini mchunguze kila kitu. Retenez ce qui est bon. Mushike kenye kwa kizuri. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mujizuize na maina yote ya mubaya. Si vous voulez regarder la vie de votre sœur. Ama unapenda kuangalia maisha ya dada yako. Et vous voulez l'examiner. Unapenda kuichunguza. Après avoir examiné. Kisha wewe kuichunguza. La vie de votre sœur. Maisha ya dada yako. Retenez seulement ce qui est bon, ce qui est juste. Mushike mpaka cha kunyoloka kenye kwa kizuri. Si tu n'as jamais vu dans ta sœur, kama uyaonaka ndani ya dada yako. Si tu n'as jamais vu dans ton frère, uyaonaka ndani ya ndugu yako. Quelque chose de bon, kitu kizuri. À son problème, mambo yake. Taisez-vous, umbi wikale kimya. Priez seulement pour lui, umuombeye tu. Le Seigneur vient bientôt. Mwana yako anakuja sasa hivi. Nous devons combattre pour la foi. Unapaswa kupambania imani. La vraie foi. Imani ya kweli. La foi qui est agréable au Seigneur. Imani ya kumpendeza Bwana. Pas avec l'hypocrisie. Hapana na unafiki. À la bouche vous bénissez. Mkinyo unabariki. Mais au cœur vous maudissez votre frère. Mumoyo muroho unabariki unazani. Avec la main droite. Na mkono wa kuume. Vous donnez. Unaleta. Mais dans votre cœur. Lakini mumoyo wako. Vous ne voulez pas donner. Au kupende kumpatia. Ça ce n'est pas une bonne attitude d'un enfant de Dieu. Ile anali mzuri ya watoto ya Mungu. Amen. Amen. Job chapitre 34 verset 4. Job sura makumi tatu na ine mstari ya ine. Nous lisons ceci dans Job. Tunasoma hivi mu Yobu. Job chapitre 34. Yobu sura makumi tatu na ine. Verset 4. Mstari ya ine. Choisissons ce qui est juste. Tuchakule kenye kwa kia kunyoloka. Et voyons entre nous ce qui est bon. Na tuangalie katikati yetu yenye kwa kizuri. Amen. Amen. C'est-à-dire entre frère et frère. Manake katikati ya ndugu na ndugu. Entre sœur et sœur. Katikati ya dada na dada. Voyons seulement ce qui est juste. Tuangalie paka kenye kwa kia kizuri. Voyons seulement ce qui est bon. Tuangalie paka kenye kwa kizuri. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Yote yasipo kwa neno mais la Mungu. Mettez ça de côté. Muitie pembeni. Si jusqu'à ce soir. Kama kufika na mangaribi ya leo. Mon frère, ma sœur. Ndugu yangu na dada yangu. Tu n'es pas à mesure d'embrasser celui que tu appelles ton ennemi. Hauna mutimo wa kumbatia ule kunaita sa adui wako. Votre expérience n'est pas correcte. Onjo yako haina kunyoloka. Le christianisme est basé sur l'amour et sur le pardon. Ki Kristo kinayengwa yulu ya mapendo na yulu ya usama. Le Seigneur nous a aimés. Bwana alitupenda. Il nous a pardonné. Alitusame. De toutes nos péchés. Na maovu yetu yote. Il nous a pardonné de tout. Alitusame byote. Amen. Amina. Nous aussi, na si nous sommes des chrétiens, kama tuko ba Kristo, si réellement nous avons cru au Seigneur, kama hakika tulimwamini Bwana, si réellement nous sommes des chrétiens, kama hakika tuko nous avons Kristo, pris le nom du Seigneur, tulichukua jina la Bwana, nous aussi, na sisi, nous devons pardonner tout frère et toute sœur. Unapaswa kusamehe kila ndugu na kila dada. Parce que le christianisme, kwani Kikristo, la force du christianisme, nguvu ya Kikristo, c'est l'amour et le pardon. Ni usama. Est-ce qu'un jour tu peux venir ici avec votre frère? Est-ce que ma soeur, un jour tu peux venir ici devant avec votre sœur pour chanter un cantique spécial? Ou bien si tu regardes ton frère, il est comme un démon. Est-ce qu'un jour, tu peux passer ici à la chaire, avec la sœur là, na ule dada ule, avec tel frère, na ule nduku ule, pour communier à la table du Seigneur, ya kushiriki naye kumeza ya Bwana, dans la même coupe, mukikombe moya, est-ce que tu peux le faire? Et unaweza kuifanya? Alléluia. Amen. Souvent nous voyons des frères, des sœurs, oh, mais c'est Kila mara nous voyons des frères et des sœurs. Moi, je n'irai pas à cause de ces frères là. Je ne comprends rien, mon frère, ma sœur. Awelewe kitu ndugu yangu na dada yangu. Dans les choses de Dieu, on ne s'amuse pas. Mubintu ya Mungu abachezake mu. Nous devons être sérieux avec la parole. Tunapaswa kubeba bintu na roho. La parole de Dieu a une puissance de nous transformer. Neno la Mungu kunaweza kutubadilisha. La parole de Dieu a une puissance de nous changer. Neno la Mungu kunaweza kutubadilisha. D'enlever tous les démons. Ya kutosha mademona yote. D'enlever toutes sortes de souillis. Na kuondosha aina yote ya uchafu. La parole de Dieu c'est une puissance. Neno la Mungu ni qui est capable de nous rendre saints. Et vous c'est un grand miracle que le Seigneur a fait. Ce n'est pas la guérison, mais si un grand miracle, c'est un pécheur qui se transforme en un homme saint. Ni mutenda zambi anabadilika kuwa mutakatifu. Amen. Amen. C'est ça le plus grand miracle. Il est John Mujisa Munene Sana. Et avec la parole. Na neno la Mungu. Cette parole que nous avons. Ineno tukunayo. A une puissance. De nous transformer. Ya kutubadilisha. Les dénominations n'ont pas la parole avec puissance. Mazebu haina na neno la uwezo. Non. Apana. La dénomination peut engendrer tout. Zebu inawezi kuzala biote. Mais sauf un enfant de Dieu. Alakini haiwezi kuzala mtoto wa Mungu. La dénomination peut engendrer tout sauf un chrétien. Les messages dénominationnels ne peuvent pas engendrer un chrétien. Un jour, frère Branham est allé dans une ferme. Shikumoya nduku Branham arendaka ku ferme moya. Il a trouvé une plante. Arikuta komuti. Mais il était très étonné de la plante. Arakini arishanga sana ile muti. Il a posé la question à son ami. Ariuliza ule rafiki yake. Mais comment est-ce que cette plante? Namna kani muti. La même plante. Muti moya moya. Produit des citrons. Iguna tosha mandimu. La même plante. Paka muti moya moya. Produit les pamplemousses. Inatoa ma pamplemousses. La même plante. Paka muti moya moya. Produit des mandarines. Inatoa mandarine. La même plante. Muti moya moya tena. Produit des oranges. Iguna zala tena na maorange. Et son ami lui a dit. Na ule rafiki yake akamwambia. On avait fait le greffage. Manake barichomeka kako. L'arbre elle-même, muti yo inyewe, c'était l'oranger. Ni muti ya maorange. Et tout ce que vous voyez, yote kunaona ko, ce sont des choses qu'on a greffées. Ni matawi ile barichomeka ko. Frère Branham a posé la question. Na sanduku Branham aruliza ulizo. Si arrivé des années après, kama ikifika miaka na miaka kisha, est-ce qu'il y aura un temps les citronniers peut produire les oranges? Eti itakuwa siku moja muti ya masitro itazala maorange? Son ami lui a dit que non, non, non, pratiquement impossible. Rafiki yake akamwambia biwezekane. Il a dit, si arrivait beaucoup de temps, kama ukifika miaka mingi, est-ce que le mandarinier peut produire des citrons? Eti muti ya mandarine inaweza kutoa ma citron? Ou des oranges? Wala kutoa ma orange? Son ami lui dit, non, pratiquement c'est impossible. Rafiki yake akamwambia biwezekane. Chaque plante va produire selon son espèce. Kila muti itazala matunda kufuatana na kabila yayo. Et Frère Branham a conclu, il a dit, Duku Branham Marie, alors je comprends, sasa mine elewa. Le christianisme produira des chrétiens, le catholicisme produira des catholiques, le méthodisme produira des méthodistes, mais les chrétiens, ils sont une produit de la véritable parole. Même s'il y a des années, un catholique ne sera jamais un chrétien. Ça, c'est la parole de Dieu, même la nature le confirme. Nous devons recevoir la semence de la parole. Une semence sans mélange. Une parole sans mélange. Et ce qui peut nous aider ce soir, c'est avoir un message puissant et fort qui nous retournera à la foi apostolique, à la foi biblique. Ce n'est pas un slogan, mais c'est le retour aux Écritures. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous prenons les Écritures pour que l'Église soit ramenée directement aux Écritures. Alléluia. Amina. Nous, on ne croit pas à la pensée humaine. Si ça toi minima wazo ya muntu. On n'a pas de dogme ici. Atuna na mafundisho ya Mungu. Nous avons la parole. Tungu paka na neno na Mungu. On n'a pas la pensée de quelqu'un. Atuna na mawazo ya muntu. Il soit représentant ou qui? Akiwe representant wana nani? Nous, notre représentant. Si représentant wetu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Ce soir, nous sommes à l'école du Seigneur. Tungu masomo ya Mungu. Et notre professeur de ce soir. Na mwalimu wetu wa mangaribi ya leo. C'est le Saint-Esprit. Et nous devons obéir à sa parole. Amen. Amen. Nous devons marcher selon les traces du Seigneur. Première Pierre, chapitre 2, verset 20. Petro wa kwanza, sura wa kwanza, mstari wa makumi mbili. Première Pierre. Petro wa kwanza, chapitre 2. Sura ya pili. Verset 20. Mstari wa makumi mbili. Nous lisons ceci. On a somme à Ivi. Frère, soyez rapide. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Kwa kuwa, ni utukufu gani ya kuvumilia matendo mabaya kisha kutenda makosa? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, lakini mkivumilia mateso wakati ile unatenda mema, c'est une grâce devant Dieu. Ni neema mbele ya Mungu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Njo kuile mliitiwa. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, pour vous. Kwani Kristo naye alimiteseya. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Na kumiachia mfano ili mupate kufuata manyao yake. Amen. Amen. Nous devons suivre les traces du Seigneur. Tunapaswa kufuata manyao ya Bwana. Nous devons marcher selon la parole. Tunapaswa kutembea kufuatana na neno. Nous devons adorer notre Dieu selon sa parole. Tunapaswa kuabudu Mungu wetu kufuatana na neno lake. Et sa parole doit demeurer en nous. Na neno lake inapaswa kudumu ndani yetu. Comme nous avons dit que la parole c'est une richesse, ile tulisema kama neno ni mtaji. Il demeure en nous. Yenye ukaa ndani yetu. C'est-à-dire dans nos âmes. Manake manafsi yetu. Il faut qu'il y ait le dépôt de la parole. Unapaswa kumkuwa dépôt ya neno la Mungu. Un jour mon frère. Siku moja ndugu yangu. Un jour ma sœur. Siku moja dada yangu. Vous ne nous verrez plus encore ici. Hamutatuona tena hapa. Nos églises un jour seront fermées. Makanisa yetu siku moja bataifunga. Mais la parole de Dieu qui est en vous avec abondance. Lakini neno la Mungu yenye kwa ndani yenu katika wingi. C'est ce qui vous servira. Joire tamisaidia. Amen. Amen. Amina. La parole de Dieu doit avoir un dépôt dans votre âme. Neno la Mungu inapaswa kuwa na dépôt munafsi yako. Amen. Amina. Parce que un jour cette parole, yani, siku moya un ineno, jour vous servira. Siku moya tamisaidia. Et si la parole de Dieu se trouve dans notre âme, kama neno la Mungu yuko ndani ya nafsi yetu, comme c'est la richesse, kabile ni utajiri, je est obligé de mettre une sentinelle à notre cœur. Mungu analazimisha weke nzamu mu moyo wetu. Et la sentinelle de Dieu, na nzamu wa Mungu, c'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Dans un cœur où il n'y a pas la parole. Mu moyo mula muna neno la Mungu. C'est comme par exemple, vous avez une petite île à votre champ. Kwa mfano, kuna kanyumba kadoko mashamba yako. Il n'y a rien. Hamuna kitu. Il y a seulement une petite calebasse déjà trouée. Mungu tuka kibuyu kamwa kanisha kutoboka. Avec des habits sales. Na mavazi ya buchafu. Vous n'allez pas vous préoccuper de chercher une grande porte métallique. Hawezi kuhangaikia uweke kwa mlango munene ya chuma. Là dedans, il n'y a rien. Mule ndani hamuna kitu. Même si un voleur venait. Hata kama mwizi akikuya. Il ne doit pas ouvrir parce que là il n'y a rien. Hashezi fungula hamuna kitu. Une petite sac seulement suffit. Kamufuko tu bule kaneneya. Mais dans nos maisons. Alakini manyumba yetu. Oui, il y a beaucoup de choses. Mule mukubitu mingi. Il y a des lits. Mukubitanda. Il y a des matelas. Ma matela. Il y a des vitrines. Ma vitrine. Il y a des tables. Ma mesa. Il y a des assiettes. Ma sani. Il faut une sécurité à la porte. Il nafashi weke ukingo kumulango. On met un gros cadenas. Utaweka nkofiri munene. Peut-être on engage une sentinelle. Peut-être avec un chien méchant. Tout ça, c'est pour garder la richesse qui se trouve à l'intérieur de la maison. Nous aussi, mon frère. Nous aussi, ma sœur. Si dans nos cœurs, il y a la plénitude de la parole, Dieu aussi est obligé de mettre une sentinelle à votre cœur pour garder la parole là qui est une trésor. Mais si toi dans votre cœur il n'y a rien, Dieu va placer la sentinelle pour vous. Il n'y a rien. Il y a des souillis. Il n'y a pas la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la justice. Mais dans votre cœur, il n'y a pas la justice. Vous voyez, la parole de Dieu a une puissance de nous transformer. La terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur cette terre. Pas de continent, pas de nation. Pas de plantes. Pas de bêtes. Pas de forêts. Rien. Un vide seulement. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, la présence de l'Esprit du Seigneur a commencé à transformer la terre petit à petit. Et Dieu a commencé à créer des choses qui n'existaient pas à l'existence. Il y a des forêts, des bêtes. Des mers, des poissons et autres marraines. Tout ça c'est Dieu qui a transformé la terre qui était vide. Et Dieu qui a transformé la terre. Est-ce que ce soir mon frère, est-ce que ce soir ma sœur, il est incapable de transformer votre âme? Croyez seulement à la parole. Dieu est capable de tout. Amen. Amen. Nous devons obéir à la parole. La parole de Dieu doit nous changer. Changer nos attitudes. Changer nos comportements. Abraham nous donne un petit exemple. Et peut-être nous allons terminer par ceci. Il dit dans une famille, il vivait un petit garçon. Il avait toutes sortes de jouets. Mais à un moment donné, ses parents ont remarqué que l'enfant ne s'intéresse pas maintenant aux jouets. Il dort seulement. Même si on lui présente des jouets, il ne regarde même pas cela. On a appelé un médecin. Le médecin est venu. Il a consulté l'enfant. Il a conclu que non, l'enfant est malade. Il faut l'amener à l'hôpital. On a amené l'enfant à l'hôpital. On a soigné l'enfant. On a soigné l'enfant. Et le médecin a dit, pour voir que cet enfant est guéri, allons avec cet enfant au supermarché. On a pris l'enfant de l'hôpital. On est allé avec l'enfant au supermarché. Là où il y avait toutes sortes de jouets. On a commencé à présenter les jouets à l'enfant. L'enfant était toujours indifférent. Et les médecins ont conclu que jusque-là, cet enfant est malade. Il faut les retourner à l'hôpital. Et le prophète a dit, Nabi Arisema, nous aussi, Nasisi, c'est la parole de Dieu qui nous change. La Mungu c'est la parole de Dieu qui change notre attitude. La Mungu c'est la parole de Dieu qui change notre comportement. La Mungu mais si quelqu'un, la parole ne ne lui change pas. Kama mutu neno la Mungu haimubadilishe. On change de sujet de prédication. Wanabadilisha mashina ya mahubiri. Mais lui, il a toujours la même vie. Yeko paka na ile maisha moya moya ile. On change parfois de prédicateur. Kazingine wanabadilisha baubiri. Mais lui ne change pas. Lakini yeye asibadilike. On prend quelqu'un de très loin. Wanabeba mtu wa kutoka mbali. De Dilolo. Wa kutoka kudilo. L'amener ici à Kambombe. Muleta hapa Mkambombe. Il prêche la parole. Anahubiri neno la Mungu. Son comportement ne change pas. Yeye tabia yake haibadilike. Ce frère ou cette sœur est malade. Manake huyu ndugu wala udada yuko mgonjwa. Il n'est pas encore guéri. Yeye bado kutunzwa. Il faut le retourner à la croix. Anapaswa kumrudisha msalaba. Qu'il recommence sa marche. Anzulule maisha. Parce que le Seigneur vient bientôt. Bwana yuko anakuja sasa hivi. Il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Notre épouse est l'époux parole. Il faut qu'une épouse aussi soit une épouse parole. Des frères parole. Des sœurs parole. Qui marchent dans la sainteté. Parce qu'un jour, le Seigneur viendra nous prendre. Chaque prédicateur qui passe ici, il dit le Seigneur vient bientôt. Moi aussi je dis le Seigneur vient bientôt. Mais un jour, ça ne sera pas des paroles, mais ça sera une réalité. Nous terminons par ceci. Jean chapitre 14. Yohane sura ya 14. Jean chapitre 14. Yohane sura 14. Verset 1er. Mstari ya kwanza. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo wenu usifadhaike kama. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amini Mungu na mniamini mimi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuna makao mingi mnyumba baba yangu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama ingekuwa vile singebaki. Je vais vous préparer une place. Na ina mitari kwa. Et lorsque je m'en serai allé. Wakati taenda. Et que je vous aurai préparé une place. Na kisho mitari sha fazi. Et je viendrai. Tarudia katena. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sont des promesses pour l'Église. Ne ratez pas l'enlèvement, mon frère, ma sœur. Sacrifiez tout ce qui n'est pas la parole. Restez seulement avec la parole et marchez dans l'obéissance. L'obéissance surpasse toutes choses. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen.